Nous allons continuer avec le message de sanctification. Ni antu kumana an lora yoro mina antu kumana choko mina akayika an yere mina an ka fani don tao ani an ka kuketao kaseka ke koye miye mbimbi noro da ala toko kan. On avait parlé de notre manière de nous habiller et cette manière, il faudrait que cette manière soit une manière qui honore l'Éternel. Ani amana taya ka yoro do kala. Nous allons continuer, nous allons lire un notre passage. Et ce passage, on peut le trouver dans Exode. Exode sera tanné Colanton verset 10. Exode 19, verset 10. Exode chapitre 19, verset 10. Némi a sera bakala. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qui lave leurs vêtements. Continue. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites. Dans l'entour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Merci. En yora min kala sisa. Le passage que nous venons de lire. Amba yeko Allah tonka yika digi sinayi kulukan kakuma. Nous voyons que Dieu devait descendre sur la montagne de Sinaï pour parler. Nous voyons en descendant, nous voyons que c'est Moïse même qui dit à Dieu de l'aider à pouvoir vraiment parler aux enfants d'Israël. Dieu a choisi de descendre et de leur parler. Mais avant que Dieu descende, Dieu a dit quelque chose. Il a dit à Moïse, va vers le peuple et sanctifie-les. Que le lendemain, il n'a qu'à leur dire de laver les vêtements. Pour qu'il soit prêt le troisième jour, lui, il descendra leur parler. Et nous voyons que Dieu devait descendre et parmi eux. Mais Dieu ne pouvait pas descendre vraiment et les trouver sales comme ça. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse de les sanctifier. Et il les a dit de laver les habits pour que ça soit propre. Aujourd'hui également, Dieu nous parle. Avant de venir donc devant lui, nous devons nous sanctifier. À l'époque, Dieu descendait des montagnes pour pouvoir parler, mais actuellement, il descend, oui, au milieu de nous. Dieu vient au milieu de nous et il veut que nous nous sanctifions. Et le messager nous a dit que est-ce que quand nous venons à l'église, est-ce que nous nous préparons d'abord avant de venir? Nous devons nous préparer. Au cours de toutes ces semaines, tu vois, tu regardes qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour que vraiment tu puisses. Qu'est-ce que tu as fait qui peut t'empêcher? Qui peut t'empêcher de voir la face de Dieu? Parce que ni ma flèche n'a pas le coup de sol et ni balmanke ni mo la benike ni nana ou bien que balnaye à la capola. Puisque si tu ne t'examines pas, s'il y a quelque chose entre toi et ton prochain et que tu ne résolves pas cela, ça sera vraiment un fossé entre toi et ton Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit aux Israélites de se préparer que lui va descendre. Allah fana ba fo an ye bi kon kala ben kala bi ke antiema ya la ma fo ko mo fla wala sa mana la ja le to wala le bo tema. Dieu aussi nous dit de nous préparer, de nous apprêter pour que lui aussi puisse descendre, puisque il a dit même dans sa parole qu'il réside au milieu de deux ou trois personnes quand nous nous réunissons en son nom. Ola la dili min dira wo ko yana ka na église ko no an ka an ka an yele samia. Donc le conseil donné ici, c'est de se préparer, de se sanctifier avant de venir à l'église. Le prédicateur également a parlé du retard. Ce dimanche passé, je me suis dit vraiment, il faudrait que moi-même je vienne à l'heure. Hein. Je me suis levé, me préparer tôt, très tôt. Et j'ai démarré le moteur, la moto en vain. J'ai tout fait en vain. L'enfant aussi a essayé en vain. Et elle lui a dit d'aller déposer pour elle et prendre pour le pasteur. Pour papa aussi, c'était aussi gâté. Et maintenant, elle priait en demandant à Dieu, mais elle veut venir à l'heure à l'église. Comment elle va faire? Après, l'enfant a fait sortir la moto et elle a démarré et ça a donné. Et elle a pris la route et avant d'arriver, elle est venue trouver qu'ils avaient déjà commencé le culte. Et le prédicateur nous dit de faire beaucoup attention à la question du retard. Sinon, il y en a qui viennent même trouver qu'ils ont déjà fini de faire la sanctification, prier pour le pardon des uns des autres. Ils ont déjà fini tout ça. Et si c'est ainsi, dans cette condition, on ne peut pas se préparer comme Dieu a dit aux enfants d'Israël de se préparer pour l'attendre. Donc il faudrait que chacun de nous brûle pour pouvoir venir à l'heure. Sinon, à Ouara, c'est vraiment compliqué, surtout avec la multiplication des feux. Il faut chaque fois s'arrêter au feu. Donc il faudrait que chacun brûle pour pouvoir venir à l'heure. Donc selon le prédicateur, nous devons vraiment être à 9h si nous avons fixé 9h à Dieu. Donc nous devons pas venir après 9h pour dire que nous sommes venus à l'église. Nous devons vraiment prier pour être à l'heure. Ce jour-là même, il parlait, c'était concernant même les femmes, puisque nous-mêmes, nous devions venir tôt pour pouvoir préparer les dames avant le culte. En tout cas, il y a une mission, voilà, elle devait quitter la mission pour venir à l'église pour le séminaire, voilà, pour pouvoir se préparer pour avant le début du culte. Mais ce jour, elles n'ont pas été à l'heure. Et vraiment, ça a été difficile. Les choses n'ont pas été comme on l'aurait souhaité. Voilà pourquoi nous devons vraiment brouiller pour pouvoir rattraper lundi jusqu'au vendredi, ça c'est pour nous. Et jusqu'au samedi, ça c'est pour nous. Et le seul Dieu consacré à Dieu, ça c'est dimanche. Donc, en cas de calme, et nous devons aussi vraiment courir pour pouvoir rattraper l'heure ce jour-là. Donc, nous allons continuer à aller de l'avant. Et nous voyons que Dieu les a dit de laver les habits. Quels sont nos habits de nos jours? C'est notre cœur. Nous devons laver notre cœur, le sanctifier. Avant de venir rencontrer le Seigneur, nous devons avoir des cœurs purs. Si nos cœurs sont purs, sont blancs, et rien ne pourra vraiment empêcher nos loins d'atteindre l'Éternel, à l'Éternel. Mais si nous avons le cœur pur et impur, nous voyons que cela empêche notre loin d'atteindre l'Éternel. Nous allons toujours avancer. Il a donné aussi un exemple sur Daniel. Daniel a décidé de se consacrer, de rester dans la sanctification. Il a décidé de ne pas se souiller avec les mains du roi. Nous allons lire cela ensemble. Dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6. Daniel Sawaro. Daniel chapitre 6. Ah, kito. Ya asebe me nyata la ya blaromu. On a juste vérifié le verset. Daniel Sparo. Ah, Daniel Sparo, quel est le verset chéri? Donc, c'est Daniel, plutôt Daniel 1, verset 8. Verset 8 seulement. 8, donc. Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Anike, amba yeko kalandiba dasira oyorofanama. Nous voyons que le prédicateur aussi a brossé ce passage. Daniel ya latike ayere kono. Il a décidé de ne pas se souiller avec les mains du roi. Je me demande comment vraiment il s'est vraiment donné à Dieu. Comment on peut décider de ne pas manger ses repas présidentiels ou bien du roi, vraiment bien décoré, bien. Vraiment. Bien délicieux. Les mains du roi sont doux, délicieux. Et il y a beaucoup de mains sur la table du roi. Et Daniel a décidé de ne point se souiller avec ses mains, ses repas. ne kalandi ba ko yala am bina son kalatige kantina a ni yoro dum ni yoro ke janko ka yede mara cinema yala am son ko latige ke le prédicateur nous a demandé est-ce que nous vraiment nous allons nous décider de nous abstenir de ce plat de ces mains là pour nous consacrer à Dieu ambition ka an yede mali ko son ka banka ni dum ni tima ni ke wa pour nous préserver dans la pureté, est-ce que nous allons nous abstenir de ces mains délicieuses là? Aïe, anyala rila se ama. Ko yala an yere ya latige. Ka ban mu fena danko ka sika ke mo ko sinma ya ala nya koro ka ala samuke. Et il nous demande également que qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons c'est quoi nous pouvons nous abstenir pour pouvoir nous sacrifier pour Dieu pleinement. Abi nyina reke, ne fana bo nyina reke awu. Mu ken kele lo abi son ka ba ama. C'est ka am a yele mara. Ka ken bo sin ma oyé, ani ka ala sabuke. C'est quelque chose auquel vous devez vous abstenir pour ne pas faire pour pouvoir vraiment vous consacrer entièrement à Dieu. Olo ko sa dam na na ya foko ka yele mara sin ma yala. Yala yele dili le ba. Et il dit que se maintenir dans la pureté, c'est nous dans la sainteté, c'est une consécration. Il faut se donner vraiment pour vraiment être dans la sanctification. Comme il y a dit, si tu te donnes, Sénégal na ya y a dit comme le cultivateur ne va faire ni na samyana ni bna Sénégal kasima sora chama. Comme tu te donnes comme un cultivateur qui décide de travailler cette année pour la saison pluvieuse et de pouvoir gagner pleinement comme il le désire. Est-ce que si vous vous décidez ainsi, n'allez-vous pas réussir, oui ou non? Est-ce que quand ça sera hivernal, est-ce que vous allez dormir sur vos lauriers et ne rien faire? Ni Sénégalais à la latigé ni dou gato don a wulitolo abita akamilia be ya ka fololi le cultivateur décide, il dort un peu et à l'heure seulement il se lève pour aller au champ parce que bim mila ka fololi ni ko la car il pense à comment vraiment bien rendre bien donner le résultat de son travail. Nous aussi, si nous disons que nous donnons à Dieu, nous devons décider également de nous donner entièrement à Dieu, de nous donner entièrement à Dieu pour les œuvres, pour la cause de Dieu. Retraite spirituelle et groupe d'intercession taille. Hier, on était en retraite spirituelle, du groupe d'intercession. Ani amba yeko doyi barka dala ye ka yeko ala ya ndeme asira ka sanu beke lo samedi simase ka foko amase kana e prière ke et quelqu'un a donné vraiment le témoignage que vraiment il remercie Dieu du fait que on n'a jamais manqué un samedi sans venir se rencontrer devant Dieu et le prier moko damane be minu yu yere ti hal ne ko ka ketoto. Il y a vraiment quelques personnes qui se donnent vraiment, quelles que soient les conditions, ils répondent présent. Et il a montré que quelles que soient les conditions, il y a quand même quelques-uns qui sont là pour la cause de Dieu. Souvent, je suis dans mes voyages. Il y en a qui ont souvent des empêchements, mais vraiment, c'est certains qui répondent présent. Ces personnes, ils ont décidé ça intérieurement. Même watti dollar, c'est comme si c'était quatre qui mais comment y'a la tige? Samedi bela alem nana delike jamna ye ka delike anga yidise ka delike dama bawe abi kija toko bela ka nawo delike pourtant il se pourrait que dans la vie de cette personne il se pourrait qu'il soit fatigué qu'il ait des empêchements mais il décide intérieurement de venir dans la maison de Dieu prier pour les frères et sœurs prier pour la cause de l'église et c'est ça on appelle la consécration. Ni yele di femina bi sebe be do. Si tu te donnes à une chose, tu te mets de, tu le fais de tout cœur. Atala ko bi a balaka cham fe bi nsegna tna se kata. C'est pas de dire que ibiti yaka. C'est pas de dire que aujourd'hui je vais partir ou demain j'ai beaucoup à faire, je pourrai pas partir. Il faut se donner entièrement. Ani amba yoko Daniel. Et nous voyons que Daniel aya yele di ala ko tu kada yi. Ani aya ye ko ni ale dumni ke masake ka dumni fe na wobuna ke wobuna anoro peut-être dimel ko na kitabu ma fo mais peut-être ko do le be abayela masake ka dumni ke choko blan choko la ko do be mi ni ale atu abna ka danaya wala atsunno Daniel aime vraiment Dieu et voilà pourquoi il s'est abstenu. Dans la Bible, il n'est pas dit expressément que, explicitement que les plats du roi peuvent souiller. Mais vraiment, Daniel a senti que ça, s'il mangeait ça, vraiment, ça pourrait l'empêcher d'être pur aux yeux de l'Éternel. Nous aussi, souvent, nous pouvons voir certaines choses. Et on peut se demander, est-ce que si je m'adonne à cette chose-là, est-ce que je pouvais avoir une bonne relation avec mon Dieu? Ni ya ye ni o kuma ke na bi ni ka jeyon ya ni ala e ni ka ala ke ka jeyon ya ti e kan e ka dan o fo. Si tu vois que en faisant cela ça peut mettre une barrière entre toi et ton Dieu, il faudrait vraiment arrêter cela. Ni amba ye ko tuma da wati do lan tu bora ni ne kon muso nu ka ta yoro do la. Un moment j'étais sorti avec mes grandes sœurs pour aller à quelque part. Uru be ke ma ne ke le da na bai. Parmi toutes elles, j'étais la seule chrétienne. Et nous sommes allés rendre visite à quelqu'un et arrivé, on nous a dit d'attendre à quelque part. Là où on nous a dit d'attendre, ils ont commandé des boissons, de la viande pour nous. Non, c'est belle bière. Moi, belle quelqu'un, ça veut dire que quand nous sommes nous belles, nous dormons. Belle bière commandée. Donc, parmi toutes mes sœurs là, la plupart, elles ont toutes commandé des bières, des viandes, vraiment, pour pouvoir se mettre bien. Allez, on va faire quoi? Comment tu n'as dormi? Elle me demande, mais je vais pas boire aussi. Quelle est la faute? Et alors, comme Mercalo? Il y a une d'entre elles qui dit que, qu'est-ce que ce sont des chrétiens? Ce sont des Mercas. Ils n'acceptent pas ce genre de choses-là. Et puis, il y a une faute. Il y a une qui dit, il faut laisser ça. Il y a des chrétiens qu'on voit qui boivent ça, qui boivent de l'eau, qui mangent ça bien. Mais pourquoi elle dit qu'elle ne va pas boire? Que même certains passeurs, même, ils boivent le dolo et puis la bière. J'ai dit que si les pasteurs, si un pasteur boit, c'est son problème. Moi, en tout cas, je ne vais pas boire. Et il y a ces choses qui arrivent et on demande pourquoi toi tu ne fais pas cette chose-là. Nous devons vraiment faire beaucoup attention. Et samedi, le samedi surpassé, on est allé à un PPS d'un enfant de ma grande sœur. Zinyare coffre. Derrière Zinyare. Ni en bitarat mamna sur do muso do tumenaye muso kuno kulalo. Et en partant, il y avait une dame, une jeune mariée avec nous. Ni allez qu'elle a mis un PPS puisqu'elle allait qu'à terre musolo. Et celle qui fait sa PPS, c'est elle, son amie. Et cette dame, jeune dame là, je ne savais pas qu'elle était chrétienne. Quand on partait, c'est quelqu'un est venu nous dépasser avec une moto, devant nous avec une moto. Quand cette personne est passée, le chauffeur l'a freiné. Cette dame s'est levée, cette jeune dame s'est levée, chrétienne là, qui regarde moi ce salopard, elle allait nous créer des problèmes. Et elle ne faisait qu'insulter cet homme là. J'ai dit à la grande dame, vraiment, pourquoi tu l'insultes aussi? Peut-être ce dernier aussi s'est trompé. Arrivé devant, il y a quelqu'un aussi qui a un peu mal agi et elle a commencé à insulter ce dernier. Donc, sa présence, c'est d'insulter les gens seulement. Après, je n'ai pas pu me contenir. Je lui ai dit vraiment pourquoi chaque fois tu parles sans fin. Et là, je lui ai donné un exemple d'une dame qui dit que vraiment qu'elle allait sauver, pourtant vraiment sa bouche. Que Dieu lui a dit qu'elle est sauvée, mais sa bouche n'est pas encore sauvée. Donc, mais c'est là maintenant, je lui ai dit que ce qu'elle allait faire là, c'est pas bon. C'est à ce moment, elle fait savoir qu'elle est chrétienne. On ne savait même pas qu'elle était chrétienne. Et elle a même prouvé ça en faisant sortir un pain de AD montré. Sincèrement, nous étions le pain là, on ne pouvait pas savoir qu'elle était chrétienne. Donc, en bas, donc nous devons faire attention pour ne pas que notre bouche nous souille. Daniel a vraiment fait beaucoup attention par rapport au repas du roi. Nous aussi, nous devons faire attention par rapport à notre bouche. Que vraiment parmi les gens, que notre parole, à travers notre manière de parler, que les gens sachent qu'on est chrétien. Et il ne faudrait pas que vraiment les gens se rendent compte tardivement qu'on est chrétien à travers notre manière de vraiment de s'habiller. Donc, à la fin de mai, Walissa en quelque moroye. Que Dieu nous aide vraiment, que nous puissions grouiller vraiment, nous abstenir de ce que Dieu n'aime pas et nous consacrer entièrement à Dieu. En cas que Daniel ane Yusufu ane, nous soyons comme Daniel, comme Joseph. Tous les autres chrétiens, les autres croyants et grands hommes qui ont vraiment œuvré pour Dieu jusqu'à la fin. Que Dieu aide chacun de nous. Que nous soyons de vrais chrétiens. Que nous ayons la crainte de Dieu dans notre cœur. Si nous avons la crainte de Dieu en nous, quel que soit le lieu où nous serons, ce que Joseph a eu comme succès, nous pouvons aussi l'avoir. Ainsi que Dieu aide chacun de nous. Que nous soyons des vrais chrétiens. À travers nos actions et nos paroles. Que Dieu bénisse chacun de nous. Maintenant, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Pour que nous soyons des vrais chrétiens. Pour que nous soyons réellement des vrais chrétiens qui se consacrent entièrement à Dieu jusqu'à la venue de Christ. Donc, prions ensemble. Père, nous voulons te rendre la gloire. Voilà, tout le monde, tout le monde.